En Corée du Sud, selon le journal internet Tongil News, l'action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 23 à la Maison de la Culture de Sejong à Séoul une conférence de presse pour proclamer l'entrée à l'action urgente de 48 heures pour la destitution et l'arrestation de Park Geun-hye et la prolongation de l'enquête spéciale. Au terme de la conférence de presse, la formation sud-coréenne a commencé l'action urgente par la marche vers le siège général du gouvernement et le tribunal constitutionnel en exigeant la prolongation du délai de l'enquête spéciale et le jugement prompt pour la destitution. Les jeunes, étudiants, ouvriers et autres habitants l'ont rejoint. Par ailleurs, le journal internet La Voix du Peuple a présenté le 22 un éditorial pour la prolongation du délai de l'enquête spéciale chargée de l'affaire d'abus politiques de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil.